بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On va commencer donc maintenant le cours numéro 7 dans la lecture du livre de Cheikh Abdussalam ibn Burgis. الأمر بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم والتحذير من مفارقتهم. Et c'est un livre donc dans lequel on est arrivé maintenant à un chapitre qui s'intitule At-Tashdid fi Tark al-Jama'ati wa Mufaraqatiha. C'est-à-dire là c'est des narrations du prophète, des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que des références également. On a expliqué des références dans le Coran à ce sujet-là, du danger de se séparer de la Jama'a et d'abandonner la Jama'a, et également les hadiths qui ont été rapportés à ce sujet-là. Donc on a mentionné jusqu'à date les quelques versets et également des hadiths. Et donc on continue maintenant. On est arrivé donc au hadith numéro 4, et si je me souviens bien, c'était le total, c'était 7 hadiths. Donc on continue inshallah. Donc le cheikh Abdussalam ibn Burgis rahimahullah, il dit pour le hadith numéro 4: ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم أحل دم المفارق للجماعة أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. وهذا لفظ مسلم. قال النووي رحمه الله: وأما قوله والتارك لدينه المفارق للجماعة فهو عام في كل مرتد عن الإسلام بأي ردة كانت فيجب قتله إن لم يرجع إلى الإسلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال العلماء: ويتناول أيضا كل خارج عن الجماعة ببدعة أو بغي أو غيرهما، وكذا الخوارج. والله أعلم. انتهى كلام الإمام النووي رحمه الله. وفي صحيح مسلم عن عرجفة عن عرفجة قال عن عرفجة ابن شريح الأشجعي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان، وفي رواية فاقتلوه، وفي رواية من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. قال النووي رحمه الله: فيه الأمر بقتال من خرج على الإمام أو أراد تفريق كلمة المسلمين ونحو ذلك، أو ينهى عن ذلك، فإن لم ينتهي قتله، وإن لم يندفع شره إلا بقتله فقتل كان هدرا. انتهى كلامه. Donc ici le Cheikh Abdussalam ibn Burgis, dans ce quatrième point, il a mentionné le hadith suivant qui indique que le fait de séparer la jama'a ou de diviser la jama'a, c'est une des choses pour lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rendu le sang d'une personne licite. C'est-à-dire qu'il y a, il y a une peine d'exécution pour ça. Hein? Et parmi les preuve à ce sujet-là, le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim dans leur Sahih, selon Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Le saint d'un musulman qui témoigne que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah et que Mohammed est le messager d'Allah ne peut être rendu licite que pour une des trois choses suivantes. Al-thayyibu zani, c'est-à-dire la personne qui a commis l'adultère, hein, la personne qui a commis l'adultère. Donc ça, c'est la première chose pour laquelle son sang peut être versé. La deuxième chose qui est mentionnée dans le hadith, c'est la peine de mort pour un meurtre lorsque quelqu'un a pris la vie d'une autre personne. An-nafsu bin-nafs. Hein? Donc dans l'islam, lorsque quelqu'un commet le meurtre, la punition pour ça, c'est la mort, c'est la peine de mort. Et la troisième chose, c'est la personne qui s'est séparée ou qui a abandonné sa religion et qui s'est séparée de la jama'a. La personne qui abandonne sa religion et qui sépare la jama'a. Donc, ça, c'est la narration de l'imam Muslim. Et l'imam An-Nawawi, rahimahullah, il dit à propos de ce hadith, en ce qui concerne la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui délaisse sa religion et qui sépare la jama'a, ça, c'est une parole qui est générale à propos de toute personne qui apostasie de l'islam. Et peu importe la forme d'apostasie dont il s'agit, il est obligatoire que cette personne soit exécutée si elle ne revient pas à l'islam. Et les ulama, hein, les ulama de l'islam, ils disent, et cela comprend également toute personne qui sort de la jama'a par une bid'a ou par une transgression ou autre. De même que la bid'a des Khawarij, hein, ceux qui se révoltent contre le dirigeant des musulmans. Et il dit, Wallahu a'lam, Allah c'est mieux. Et ça, c'est tiré de son charh de Sahih Muslim. Ensuite, le cheikh, il dit également, il est rapporté dans le Sahih de l'imam Muslim selon Arfaja. Ibn Shurayh al-Asja'i, radiyallahu anhu, il dit, j'ai entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui disait, hein, yani satakunu hanatun wa hanat. Il y aura beaucoup de problèmes et de conflits, de fitan. Et celui qui veut diviser les affaires de cette umma, alors qu'ils sont tous réunis, hein, alors qu'ils sont ensemble, alors frappez-le, hein, avec l'épée. Peu importe qui il est. Frappez-le avec l'épée, peu importe qui il est. C'est-à-dire, si quelqu'un, hein, alors que les musulmans sont ensemble et unis autour de leur dirigeant, et quelqu'un vient et qu'il veut diviser la Ummah et faire de la fitna et appeler à se révolter contre le dirigeant, eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, alors dans ce cas-là, frappez-le avec l'épée, peu importe qui il est. Et dans une autre narration, faqtulu, c'est-à-dire tuez-le, peu importe qui il est. C'est-à-dire peu importe sa piété, peu importe son apparence, peu importe le fait qu'il ait l'air d'une personne religieuse. Hein? Peu importe, même si c'est quelqu'un qui prétend à la science. Il n'y a pas d'excuse pour la personne qui appelle à la rébellion contre le dirigeant ou qui se révolte contre le dirigeant. Et ce, même si ce dirigeant est un dirigeant injuste, et même si ce dirigeant est un dirigeant qui commet des péchés ou des fautes, hein, puisque les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont clairs à ce sujet, et les paroles des salafs également. Dans une autre narration, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui vous vient, alors que vous êtes tous ensemble, réunis autour d'un seul homme, hein, dans un pays quelconque, et qui veut diviser, hein, qui veut diviser votre bâton, en parlant de votre unité, hein, et qui veut séparer votre jama'a, alors tuez-le. Et bien entendu, cet ordre est un ordre qui s'adresse aux responsables, aux dirigeants des musulmans, et c'est lui qui est avant tout ordonné de combattre les rebelles et ceux qui veulent se révolter, hein, les révolutionnaires et et les opposants à l'autorité du dirigeant. C'est lui qui est responsable de les combattre ou de les exécuter si cela est nécessaire. C'est pas à des individus dans la population à s'improviser et à décider par eux-mêmes. Parce que ça crée plus de fitna et ça crée des guerres civiles. Et ça, c'est pas permis. Et le cheikh, il explique, il dit que l'imam al-Nawawi, il explique ce hadith-là ou cette narration du hadith en disant que il y a dans ce hadith l'ordre de combattre la personne qui s'est révoltée contre l'imam, contre le dirigeant, ou qui veut diviser la parole des musulmans, ou des choses semblables. Et donc, il doit être interdit de faire cela. Et s'il ne cesse pas de le faire, alors il doit être combattu. Et si, et c'est-à-dire que s'il ne cesse pas, ou si on n'arrive pas à repousser son mal, excepté en le tuant, alors dans ce cas-là, il devra être tué et il n'y aura pas de prix pour son sang. Il n'y aura pas de prix pour son sang parce que la personne en question, elle a été tuée ou elle aura été exécutée parce que elle a opposé le dirigeant et s'est révolté contre le dirigeant. Et donc, dans ce cas-là, son sang, il n'y aura pas de prix pour son sang, puisqu'il est responsable, dans ce cas-là, de sa propre fin. Le hadith numéro 5 que le cheikh il a mentionné, il dit ومن ذلك إخباره صلى الله عليه وسلم أن المفارق للجماعة لا حجة له يوم القيامة. تقدم في هذا حديث ابن عمر في صحيح مسلم وقد أخرجه أحمد في مواطن من المسند وفي لفظ له من نزع يدا من طاعة لم تكن له حجة يوم القيامة ومن مات مفارقا للجماعة فإنه يموت موت الجاهلية. وهذا الحديث أورده ابن عمر حجة في الإنكار على علي بن على ابن مطيع عندما خرج على يزيد بن معاوية. وأخرج الإمام أحمد في المسند والحاكم في المستدرك من طريق إسحاق بن سليمان وأبي عاصم الضحاك ابن مخلد حدثنا كثير بن النضر حدثنا ربعي ابن حراش قال انطلقت إلى حذيفة بالمدائن ليالي سار الناس إلى عثمان فقال يا ربعي ما فعل قومك؟ قال قلت عن أي بالهم تسأل؟ قال من خرج منهم إلى هذا الرجل فسميت رجالا سميت رجالا في من خرج إليه فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فارق الجماعة واستذل الإمارة لقي الله عز وجل ولا وجه له عنده. هذا لفظ أحمد ولفظ الحاكم ولا حجة له. قال الحاكم هذا حديث صحيح فإن كثير ابن أبي كثير كوفي سكن البصرة روى عنه يحيى بن سعيد القطان وعيسى بن نوح ولم يذكر بجرح انتهى كلامه وأقره الذهبي في تخليصه وقال الهيثمي في المجمع رواه أحمد ورجاله ثقات وقال النووي في شرح مسلم على حديث ابن عمر قوله من خلع يدا من طاعة لقي الله تعالى يوم القيامة لا حجة له أي لا حجة له في فعله ولا عذر له ينفعه انتهى كلامه. Donc pour le hadith numéro 5, le cheikh Abdus Salam ibn Burjis il explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné à propos de la personne qui sépare la jama'a qu'il n'aura aucun argument en sa faveur au jour de la résurrection. Et on a déjà mentionné ce hadith rapporté selon Omar, selon Ibn Omar dans Sahih Muslim, et également rapporté par Ahmad dans des endroits dans la Musnad. Et la narration qui est mentionnée ici, c'est celle de l'imam Ahmad justement. Quiconque retire sa main de l'obéissance, il n'aura pas, yani de l'obéissance, c'est-à-dire de l'autorité du dirigeant, il n'aura pas d'argument en sa faveur au jour de la résurrection. Il n'aura pas de preuve en sa faveur au jour de la résurrection. Et quiconque meurt en se séparant de la jama'a, alors il meurt d'une mort de la jahiliya, ou comparable à la situation ou à l'état de la jahiliya. Et le cheikh, il explique que ce hadith, il a été rapporté par Ibn Omar comme preuve contre la révolte, hein, ou la rébellion de Ibn Muti' contre Yazid, le fils de Muawiyah. Lorsque Ibn Muti' a voulu se rebeller contre le fils de Muawiyah, Yazid, eh bien, Ibn Omar a rapporté ce hadith-là pour réprimander et condamner son acte, et condamner sa rébellion. Et l'imam Ahmed, il l'a rapporté également dans la Musnad, et Al-Hakim dans Al-Mustadrak, selon le hadith, selon la voix de Ishaq ibn Sulayman et Abi Asim al-Dahhak ibn Makhlad, qui il dit que Kathir ibn Abu Nadr nous a rapporté que Rib'i ibn Harrash nous a rapporté qu'il a dit je suis parti vers Hudayfa, hein, dans la région de Al-Mada'in, pendant les nuits dans lesquelles les gens sont partis vers Uthman. Et j'ai dit, ô Rib'i, qu'est-ce que ton peuple a fait, ou qu'est-ce que les gens ta tribu, ou les gens de ton groupe ont fait. Et il dit, j'ai dit, de quelle situation à leur sujet demandes-tu, hein, ou de quel état, hein, leur concernant demandes-tu. Et il dit, c'est-à-dire ceux qui sont sortis parmi eux contre cet homme. Et il a mentionné certains d'entre les hommes en question qui sont partis vers lui. Alors, il a dit, j'ai entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui l'a dit, celui qui sépare la jama'a et qui rabaisse l'autorité du dirigeant, il rencontrera Allah subhanahu wa ta'ala, il rencontrera Allah azza wa jal, et il n'aura pas de visage. Hein? Il n'aura pas de visage. Et dans une autre narration, ça c'est la narration de l'imam Ahmad, la narration de l'imam Al-Hakim, il dit, il n'aura pas d'argument en sa faveur, il n'aura pas de hujja, de preuve, hein, pour lui. Et dans la narration de Al-Hakim, plutôt c'est pas la narration de Al-Hakim, mais le commentaire de l'imam Al-Hakim après avoir dit qu'il n'aura pas de preuve dans sa narration, de la narration de ce hadith, l'imam Al-Hakim dit, ce hadith est authentique, parce que Kathir ibn Abi Kathir, c'est un Koufi, il vient de la ville de Koufa, et il a vécu à Basra. Et Yahya ibn Sa'id al-Qattan a rapporté de lui. De même que Isa ibn Nuh, donc ce sont deux grands imams parmi les imams de l'islam, et ils n'ont mentionné à son sujet aucune critique. Hein? Fin de la parole de Al-Hakim. Et Al-Dhahabi, l'imam Al-Dhahabi, a approuvé de sa décision ou de son jugement par rapport à ce qu'il a dit sur ce hadith-là. Et Al-Haythami, dans son livre Al-Majma'a, il dit que ce hadith est rapporté selon Ahmad, et les rapporteurs sont fiables. Et les rapporteurs de ce hadith sont fiables. Et l'imam al-Nawawi, il dit dans son sharh, dans son explication de Sahih Muslim, que dans le hadith qui est rapporté selon Ibn Omar, il dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quiconque retire sa main de l'obéissance, il rencontrera Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection sans aucun argument en sa faveur. C'est-à-dire, il n'aura aucune preuve pour justifier ce qu'il a fait, hein? Et aucune excuse pour y en a qui vont lui profiter ou qui pourront lui profiter. Donc ça, c'est ce qui a été rapporté à la fin par l'imam an-Nawawi comme explication par rapport à ce hadith. Le sixième hadith, qui est l'avant-dernier, hein, qui est rapporté par rapport à ce hadith, par rapport à ce point dans ce chapitre, il dit من ذلك أيضا إخباره صلى الله عليه وسلم أن الشيطان مع من فارق الجماعة أخرج النسائي في سننه وابن حبان في صحيحه عن عرفجة ابن شريح الأشجعي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ستكون بعدي هنات وهنات فمن رأيتموه فارق الجماعة أو يريد أن يفرق بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأمرهم جمع فاقتلوه كائنا من كان فإن يد الله مع الجماعة وإن الشيطان مع من فارق الجماعة يرتكد وقد أخرجه مسلم في صحيحه كما تقدم مقتصرا على قوله إنه ستكون هنات وهنات فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان وفي لفظ له من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه وقوله ستكون هنات وهنات الهنات جمع هنة وتطلق على كل شيء والمراد به هنا الفتن والأمور الحادثة وقال القاري في مرقات المفاتيح وهنات أي شرور وفسادات متتابعة خارجة عن السنة والجماعة والمراد بها الفتن المتوالية والمعنى أنه سيظهر في الأرض أنواع الفساد لطلب الإمارة من كل جهة وإنما الإمام من انعقدت أولا له البيعة انتهى كلامه وقوله يرتكد جاء في رواية الطبراني في الكبير يركض والركض أصل واحد يدل على حركة إلى قدم أو تحريك قاله ابن فارس فالمعنى والله أعلم أن المفارق للجماعة في معية الشيطان يدفعه إلى كل شر ويحرك فيه بواعث الفتن والكبار فالكبار. Donc le cheikh il explique ici que dans ce sixième hadith, celui qui se sépare de la jama'a, le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne que le shaytan est avec lui. Le shaytan est avec lui. Et il rapporte une narration de l'imam An-Nasa'i dans son Sunan, hein, de même que Ibn Hibban dans son Sahih, selon Arfaja, Ibn Shuraih al-Ashja'i, qui a dit que le prophète, qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui disait il y aura après moi, hein, beaucoup de fitan, beaucoup de problèmes et de tribulations. Alors, si vous voyez, ou bien quiconque vous voyez, en train de diviser la jama'a ou séparer la jama'a ou qui veut séparer la umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alors qu'ils sont unis, alors combattez-le, peu importe qui il est, car la main d'Allah est avec la jama'a et le shaytan est avec celui qui se sépare ou qui sépare la jama'a et il le fait avancer dans la fitna. Donc, ça, c'est rapporté par Muslim. dans son sahih, comme on l'a déjà mentionné, yani quand on l'a mentionné déjà en se limitant uniquement à la première partie ou à la partie du hadith où il dit il y aura après moi des fitan hein, et des tribulations. Celui qui veut diviser l'affaire de ma umma alors qu'elle est unie, alors frappez-le de l'épée, peu importe qui il est. Donc ça, c'est la première partie hein, du hadith qu'on vient de lire. Et l'autre narration également, ou une autre narration de ce hadith, quiconque vous vient alors que vous êtes réunis autour d'un seul homme et qui veut diviser votre autorité ou votre unité, ou bien séparer votre jama'a, hein, votre unité, votre rassemblement autour de votre dirigeant, alors combattez-le et alors plutôt tuez-le, hein, faqtuluhu, c'est-à-dire qu'il soit exécuté. Bien entendu, comme on l'a expliqué tout à l'heure, selon les explications des ulama, qu'il doit être exécuté, c'est-à-dire par le responsable, par le dirigeant. Et le cheikh, il explique ici il dit par rapport à la suite de ce hadith-là, il dit Satakunu hanatun wa hanat. Le terme qui est employé dans le hadith, c'est le mot hanatun, qui est le pluriel du mot hanna, qui veut dire en réalité ici toutes sortes de choses, ou bien toutes choses, ça peut vouloir dire toutes choses, mais en particulier dans le contexte ici, des tribulations et des troubles qui vont se produire. Et comme Cheikh Al-Qari, dans son charh de Mirqat, dans son charh de Mishkat al-Masabih, qui s'intitule Mirqat al-Mafatih, ici il explique que Hanatun, ça veut dire toutes sortes de mots hein, et de corruptions qui vont se suivre et qui vont sortir de la Sunna et de la Jama'a. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire ici? Toutes sortes de tribulations consécutives qui se suivent les unes après les autres. Et il dit que la signification de ça signifie qu'il va y avoir toutes sortes de désordres et de corruptions sur la terre qui vont être causées par la quête de l'autorité et du pouvoir dans tous les sens et de toutes les directions. Et le dirigeant n'est que celui à qui l'allégeance a été donnée, hein, et celui à qui on a donné l'allégeance. Fin de la citation. Et en ce qui concerne la partie du hadith où il mentionne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que le shaitan est avec lui, yartakidu, dans la narration de At-Tabarani, il y a dans Al-Kabir le terme yarkudu. Yarkudu, qui est employé au lieu de Yartakidu. Et il explique que, à la base, selon l'explication de Ibn al-Faris dans Mu'jam Maqayis al-Lugha, un dictionnaire, il dit que, à la base, le ra, le kaf et le dad forment une seule racine qui indique le mouvement ou le fait d'avancer ou de bouger. Et donc, ici, la signification, Allahu A'lam, c'est que la personne qui se sépare de la jama'a, elle est dans l'accompagnement du shaitan et le shaitan le pousse vers tout ce qui est mauvais hein, et il le fait bouger vers toutes les sources de tribulation de plus en plus grandes. Donc ça, c'est l'explication au sujet de cette partie du hadith. Et ensuite, le dernier hadith qui est mentionné dans ce chapitre, c'est le hadith numéro 7. ومن ذلك أيضا أن الشارع ذم الخوارج وأمر بقتالهم وحث على ذلك وإنما سموا بالخوارج لأنهم يخرجون على أئمة الإسلام وجماعة المسلمين. قال محمد بن الحسن الآجري في كتابه الشريعة لم يختلف العلماء قديما وحديثا أن الخوارج قوم سوء عصاة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم وإن ضلوا وصاموا واجتهدوا في العبادة فليس ذلك بنافع لهم، ويظهرون الأمر بالمعروف أو يظهرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وليس ذلك بنافع لهم لأنهم يتأولون القرآن على ما يهوون ويموهون على المسلمين. وقد حذرنا الله عز وجل منهم، وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم، وحذرناهم الخلفاء الراشدون بعده، وحذرناهم الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان رحمة الله عليهم، والخوارج هم الشراه الأنجاس الأرجاس، ومن كان على مذهبهم من سائر الخوارج يتوارثون هذا المذهب قديما وحديثا، ويخرجون على الأئمة والأمراء ويستحلون قتل المسلمين. انتهى كلامه، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Donc ici le cheikh il cite pour terminer une citation à propos du blâme des khawarij qui a été mentionné dans la sunna par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam de les combattre et l'incitation de les combattre, et le fait qu'ils ont été justement appelés des khawarij, le pluriel de kharij, parce que ce sont des gens qui sortent contre les imams de l'islam, les dirigeants des musulmans, et contre la jama'a des musulmans. Donc ils ont été nommés ou appelés khawarij à cause de ça. Et l'imam al-Ajurri, Muhammad ibn al-Hassan, il a écrit un célèbre livre dans lequel il réunit les éléments de la sunna et de la aqidah des salaf al-salih et leur méthodologie, qui s'intitule Al-Sharia, et c'est un livre merveilleux rempli de fondements et de clarifications. Et dans ce livre-là, il mentionne dans un chapitre au sujet justement des khawarij, et les ulama n'ont jamais divergé, que ce soit dans le passé ou présent, dans le temps présent, que les khawarij sont des gens mauvais, qui sont des gens désobéissants à Allah Azza wa Jal et à son messager sallallahu alayhi wa sallam, malgré qu'ils font la salat, malgré qu'ils jeûnent, malgré qu'ils font des efforts dans l'adoration, et tout cela ne leur sera d'aucun profit et d'aucun bienfait. Ils essaient de faire paraître l'ordre, l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal, et cela ne leur sera d'aucun bienfait et d'aucun profit, parce qu'ils interprètent le Coran selon leurs passions et leurs désirs. Ils égarent, ils essaient d'égarer les musulmans. Ils essaient de corrompre et d'égarer les musulmans. Et ensuite, il explique, le cheikh, il dit, et Allah subhanahu wa ta'ala nous a avertis à leur sujet dans le Coran. En particulier dans le verset, dans surat Al-Imran. يعني وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. Donc ça c'est un exemple ici. Les salaf ils ont mis en garde par rapport à au khawarij en se basant sur ce verset. Donc, le cheikh, il explique, l'imam al-Jurri ici, il dit que Allah nous a avertis contre eux dans le Coran. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a avertis à leur sujet dans plusieurs hadiths. Et de même que al-Khulafa, al-Rashidun, après le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous ont mis en garde contre les Khawarij. Et même que Ali, radiallahu anhu, les a combattus, Ali radiallahu anhu les a combattus, et les sahaba de façon générale ont mis en garde contre les khawarij, et tous les salaf qui ont suivi les sahaba de la meilleure façon, ont toujours mis en garde contre les Khawarij. Hein, que Allah leur fasse miséricorde. Et il dit ensuite que les Khawarij, ce sont Ash-Shurra. Ash-Shurra, c'est un des noms qui a été donné aux Khawarij parce que c'est des gens qui prétendent que, yani, ils font le djihad et ils prétendent que ils combattent, hein, dans le sentier d'Allah et qu'ils ont vendu leur âme en échange du paradis. Donc, ce sont des gens qui prétendent au djihad, mais ce sont des corrompus, ce sont des impurs, hein, Al-Anjas ou la Rojas, hein. Et ce sont, ils disent, quiconque est sur leur voie, hein, yani, parmi toutes les différentes catégories de Khawarij, ils héritent cette voie, hein, les uns des autres, dans le temps passé et dans les temps présents, c'est-à-dire à son époque. Parce que les Khawarij, ils héritent de leur méthodologie et de leur voie, génération après génération. C'est pour cette raison-là que on voit apparaître à chaque époque différents groupes de Khawarij, différentes tendances. Et à chaque époque, il y a des nouveaux groupes qui apparaissent. Et les derniers rendent mécréants les premiers d'entre eux. Hein? Et on le voit par exemple avec les groupes contemporains, comme le Jama'atul Jihad et les groupes comme Al-Qaïda et les groupes comme Daesh. Et après Daesh, il va y en avoir d'autres également. À chaque époque, il y en aura toujours des nouveaux qui vont apparaître. Donc on a vu que Al-Qaïda, il a été surpassé par Daesh. Daesh est apparu et ils ont fait encore plus de désordre. Et après eux, il y aura un autre groupe qui va apparaître et qui vont encore faire plus de désordre que Daesh. À chaque fois, il y en a une nouvelle qui apparaît et qui dépasse la précédente. Donc c'est pour dire que c'est une tendance qui et a été annoncé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens que il a averti que ces groupes d'extrémistes et d'égarements allaient apparaître dans la Ummah. Ces groupes d'extrémisme et d'égarements allaient apparaître dans la Ummah et que ils apparaissent comme des cornes qui poussent. Hein? Ils apparaissent comme des cornes qui poussent et il a mentionné que à chaque fois que l'une de ces cornes allait pousser, elle allait être coupée. Elle allait être coupée. Donc ça, c'est un exemple clair, hein, à ce sujet-là. Et il mentionne le cheikh que ils sortent contre les dirigeants, hein, et les gouverneurs des musulmans et ils rendent licite le meurtre des musulmans. Donc pour eux, tuer les musulmans, c'est halal. Ça, c'est la croyance des Khawarij. Hein? Donc ça, c'est la fin de la citation de l'imam Al-Jurri dans ce chapitre, dans ce dernière narration qui est mentionnée dans ce chapitre-là au sujet des menaces sévères qui ont été rapportées au sujet yani, de celui qui sépare la Jama'a des musulmans. Donc ça, c'est un sujet extrêmement important. Non. Donc, je pense que on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. On a terminé donc ce chapitre. Le prochain chapitre, on va le faire au prochain cours, bi'ithnillah. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.